طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on arrive au point maintenant dans l'explication de l'usul al-thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. On arrive maintenant au cours numéro 4 et on est au point maintenant où le cheikh explique, il commence maintenant à expliquer qu'est-ce qui est le troisième point parmi les trois points qui sont, les quatre points qui sont mentionnés dans l'introduction, c'est-à-dire ad-da'watu ilayhi, c'est-à-dire après avoir compris que la première obligation c'est d'avoir la science, de connaître Allah, de connaître son messager et de connaître la religion de l'islam avec les preuves. Ensuite, le deuxième point, c'est de l'appliquer, cette science. Et maintenant, le troisième point, c'est d'inviter les gens à cette science, d'inviter les gens à cette science et à cette application. Juste avant de rentrer dans ce point-là, je voudrais juste mentionner quelques exemples encore par rapport à ce qu'on a expliqué du fait des gens qui agissent ou qui pratiquent quelque chose sans connaissance, ou qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Et donc on a mentionné hier que parmi eux il y a les gens de bid'ah. Et parmi les gens de bid'ah, justement, il y a qui les il y a on a mentionné hier les soufis. Et bien entendu, il y a d'autres sectes et tous les autres groupes d'égarements comme les Rafida et également les Khawarij, ainsi de suite. Et les Khawarij actuellement, on sait que ce sont des gens qui ont causé beaucoup de tort à la Ummah, avec leurs actes de terrorisme et avec tous les attentats qu'ils font au nom de l'islam. Donc ça, c'est un exemple de gens qui agissent et qui pratiquent sans connaissance, et qui égare les, et qui s'égare eux-mêmes et qui égare les autres. Donc, c'est pour cette raison-là, comme on disait hier, que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les gens qui pratiquent la religion sans connaissance, il les a appelés les ad-dallin, comme on dit dans Surat al-Fatiha à la fin, dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, ceux qui appliquent sans connaissance, on les appelle les égarés. Et ceux qui ont de la science mais qui n'appliquent pas la science, on les appelle les mardoub alayhim, c'est-à-dire ceux contre qui Allah est en colère parce qu'ils ont de la connaissance mais ils ne l'appliquent pas. Ou bien ils font le contraire. Maintenant donc, le prochain point, c'est ad-da'watu ilayhi, c'est-à-dire d'appeler les gens à cette science. D'appeler les gens à cette science, d'appeler les gens à l'islam et à la sunna. C'est ça, une fois qu'on a la connaissance, une fois qu'on l'a appliquée, on appelle les gens à l'appliquer. Le Cheikh il dit, قوله تعالى الدعوة إليه أي لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل بل لا بد أن يدعو إلى الله غيره فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره ولأن هذا العلم أمانة ليس بملك لك تختزنه وتحرم الناس عنه أو تحرم الناس منه، والناس بحاجة إليه، ف فالواجب عليك التبليغ والبيان ودعوة الناس إلى الخير. هذا العلم الذي حملك الله إياه ليس وقفا عليك، وإنما هو لك ولغيرك، فلا تحتقره على نفسك ولا تمنع الناس من الانتفاع به، بل لا بد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Donc le cheikh explique, il dit que le fait d'inviter les gens à cette science, c'est pas suffisant de uniquement l'apprendre et de l'appliquer pour soi-même. Ça, c'est pas suffisant. Si quelqu'un il a de la science pour lui-même, puis il l'applique et puis il s'arrête là, ça c'est pas suffisant. Il faut également qu'il invite les gens à Allah, qu'il appelle les gens à Allah. Donc, c'est pas suffisant juste d'avoir la science et de l'appliquer. Il faut également inviter les gens. Si tu n'invites pas les gens à Allah avec la science que tu as, c'est pas correct, c'est pas suffisant. Il faut que tu appelles les autres pour que tu sois capable de faire du bien à toi-même et que tu sois capable de faire du bien aux autres qui sont autour de toi. Parce que cette science, c'est un dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi. Donc c'est comme si par exemple, il t'a mis ce gage, il t'a donné ce gage ou ce dépôt pour que tu en prennes soin et pour que tu sois capable de le transmettre aux autres. C'est pas quelque chose que tu possèdes qui est ta propriété à toi, hein, et que tu le gardes pour toi, tu le préserves, tu l'emmagasines, hein, tu le rassembles, puis tu le gardes juste pour toi, tu empêches ou tu laisses pas les autres en avoir de cette science. Ça c'est pas correct. Hein? Donc il y en a des gens parfois, ils utilisent la science de l'islam de cette manière-là. Malheureusement, ils prennent cette science-là comme si c'était leur propriété privée. Hein? Et ils veulent en priver les autres. Hein? Et en particulier, il y en a parmi les égarés, parmi les soufis, ils pensent que certains d'entre eux détiennent un secret. Et ce secret-là, ils ne le donnent pas à personne. Ou bien ils le donnent seulement à certains qui sont soi-disant initiés ou des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est des mensonges. Il n'y a rien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie de qu'est-ce que les gens peuvent apprendre dans le Coran et dans la Sunna et dans les explications des salaf. Donc ça, c'est la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le secret dont parlent les soufiyin, souvent, c'est justement le shirk et l'égarement. Et ils le cachent des gens en général pour justement que les gens ne sachent pas leur déviation et leur mécréance. Ensuite, le cheikh il dit فالواجب عليك التبليغ. Donc l'obligation que tu as, c'est de transmettre, de clarifier, d'appeler les gens au bien. Ça c'est l'obligation que tu as. Parce que cette science, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis sur toi. Hein, et donc c'est pas quelque chose qui t'appartient. Hein, tu dis je le garde pour moi. Hein, non, c'est pas suffisant. Il faut que tu le donnes aux autres. Hein. Et donc, empêche pas les autres de profiter de cette science. Diffuse-la, propage-la, transmets-la, clarifie-la pour les gens. Et il mentionne le verset 187 dans Surat Al-Imran. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Ça c'est un verset dans Surat Al-Imran, le verset 187, qui montre que les gens du livre, Allah subhanahu wa ta'ala avait pris un pacte avec eux. Et le pacte qu'il avait pris avec eux, c'était qu'ils allaient le clarifier pour les hommes. Hein? Ils allaient clarifier le livre pour les gens et leur expliquer et ne pas le cacher. Ils n'allaient pas le cacher. Voilà, taktumuna. Hein? Mais on voit que par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont caché et ils ne l'ont pas clarifié pour les gens. Donc ceux parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui et qui cachent la science et qui cachent la connaissance et qui empêchent les gens d'apprendre leur religion, la religion d'Allah, alors on voit que ces gens-là, hein, ils imitent les gens du livre qui ont justement agit de cette manière-là. Le Cheikh dit « وَهَذَا مِيثَاقٌ أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْشُرُوا الْخَيْرَ وَيُخْرِجُوا النَّاسَ من الظلمات إلى النور وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه العلم والعمل والدعوة إليه والدعوة إلى الله عز وجل فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث. Donc le Cheikh il explique que donc ça c'est un pacte que Allah subhanahu wa ta'ala avait pris avec les ulama de Bani Israël et les ulama des gens du livre en général, pour qu'ils clarifient. Donc le pacte consiste à clarifier la vérité pour les hommes et à enseigner aux hommes ce que Allah leur a enseigné et dans le but de le propager et de faire propager le bien parmi les gens et de faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Et ça c'est le travail des messagers d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux. Les messagers d'Allah ainsi que ceux qui les suivent, ils invitent les hommes au bien, ils invitent les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout musulman qui a appris sa religion, c'est un devoir pour lui de le transmettre. Après qu'il l'ait appliqué, c'est un devoir pour lui de le transmettre aux autres, en suivant l'exemple des messagers. Et il mentionne le verset 108 dans Surat Yusuf. Et ça c'est un verset qui est très important. Le verset 108 dans Surat Yusuf. Le verset 108 dans Surat Yusuf, c'est un verset très important pour nous expliquer l'importance de la da'wa à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit à son messager, dis ô Muhammad, voici mon chemin, voici ma voie, voici ma méthodologie. J'invite les hommes à Allah. J'invite les hommes à Allah avec connaissance, avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent, et subhanallah, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de toute imperfection, de tout défaut, de toute limite, de toute défaillance, de toute imperfection. Wa ma ana min al mushrikin, et je ne suis pas du nombre des idolâtres. Je ne suis pas du nombre des gens qui associent ou qui font le shirk avec Allah. Ça c'est l'exemple. C'est l'explication de la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam et de l'explication de la voix de ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils le suivent. C'est quoi cette voix? C'est d'avoir la science et d'appliquer cette science et d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un, le Cheikh dit, si quelqu'un il est capable de faire la da'wah, dans le sens qu'il a la connaissance nécessaire, il a la science, il a la capacité de le faire et il applique sa religion et qu'il n'appelle pas à Allah, alors dans ce cas-là, il a commis un péché. Et il y a la mention dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention d'un châtiment spécifique pour ces gens-là, pour les gens qui ont la capacité de faire la da'wa mais qui cachent la vérité et qui cachent la science. Que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va leur coudre les lèvres avec un fil de feu au jour de la résurrection. Le hadith, il dit, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, et c'est un hadith rapporté selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Écrivez ça, c'est un hadith important dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yawm al-qiyamah. C'est-à-dire celui qui est questionné au sujet d'une science et qui la cache, Allah subhanahu wa ta'ala va lui coudre les lèvres avec du fil de feu au jour de la résurrection. Ça, c'est le hadith dans Abu Daoud, dans At-Tirmidhi et dans Ibn Majah. Et dans chacun de ces livres, il a un numéro différent, bien sûr. Dans Abu Daoud, c'est 3657. Dans At-Tirmidhi, c'est 2649. Donc, je vous donne ces deux-là, ceux qui veulent vérifier. Et Ibn Majah, il mentionne également un hadith selon Abi Sa'id al-Khudri, qui est dans le même sens que celui-là, qui dit « Man katama ilman » il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man katama ilman mimma yanfa'u Allahu bihi fi amrin nas, amrid din, aljamahu Allahu yawm al-qiyama bilijamin min nar » Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est le hadith 265 rapporté par Ibn Majah, qui dit que celui qui cache une science par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait profiter les gens dans les choses de leur religion, Allah va lui coudre les lèvres au jour de la résurrection avec du fil de feu. Ensuite, le cheikh, il explique donc l'autre point, le quatrième, c'est as-sabru 'ala al-adha fihi. As-sabru 'ala al-adha fihi, c'est-à-dire que une fois que tu as cette science, que tu l'as appliquée et que tu as invité les hommes à cette science, maintenant tu dois faire preuve d'endurance. Tu dois faire preuve de patience et d'endurance dans cette voie. Le cheikh il dit wa qawluhu as-sabru 'ala al-adha fihi معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير بل يريدون الشهوات والمحرمات والأهواء الباطلة فإذا جاء من يدعوهم إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالفعل. للشيخ الذي فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر في الدعوة إلى الله وقدوته في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. للشيخ الذي donc de faire preuve d'endurance et de patience dans la da'wa et dans la pratique de l'islam en général, ça c'est, le cheikh il dit que c'est une chose qui est connue, que lorsque quelqu'un invite les hommes à Allah et ordonne le bien et qu'il interdit le mal, alors c'est certain qu'il va être victime de différentes offenses et de différents problèmes de la part des gens. Les gens vont lui donner des problèmes et ils vont essayer de lui faire du tort et de lui faire des offenses. Parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas le bien et beaucoup d'hommes ne veulent pas le bien. Donc, les hommes, la plupart d'entre eux, ils veulent les passions, ils veulent les choses qui sont haram et ils veulent les garments et les choses fausses. Donc, lorsque quelqu'un se lève et qu'il les invite à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il rejette les passions qu'ils sont en train de suivre, et qu'il les amène à rejeter les passions, alors, bien entendu, ça crée des réactions parfois de la part des gens qui n'aiment pas la vérité, ou qui n'aiment pas le bien, ou qui aiment les passions. Ça crée une réaction de leur part qui est donc de faire du tort aux gens, soit avec leurs paroles, soit avec leurs actions, de faire du tort aux gens qui appellent à Allah et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Donc, l'obligation pour celui qui invite à Allah et qui veut le visage d'Allah, qui est sincère envers Allah, c'est d'être endurant, de faire preuve de patience et d'endurer ces difficultés-là et ces offenses dans cette voie qu'il est en train de faire, c'est-à-dire lorsqu'il est en train d'inviter à Allah et qu'il est en train de faire la da'wah. Et lorsqu'il fait preuve d'endurance de cette manière, il a un modèle à suivre à ce sujet-là. Et le modèle qu'il a dans cette voie, c'est les messagers d'Allah, alayhim salatu wa salam. Donc le cheikh il dit, wa khayratuhum wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. ماذا لقي من الناس وكم لقي من الأذى بالقول والفعل قالوا ساحر وكذاب وقالوا مجنون وقالوا فيه من الأقوال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وتناولوه بالأذى فقذفوه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله وألقوا سلا جزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة وتوعدوه بالقتل وهددوه وفي غزوة أحد جرى عليه وعلى أصحابه ما جرى عليه الصلاة والسلام كسروا رباعيته وشجوه في رأسه صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة وهو نبي الله كل هذا أذن كل هذا أذن في الدعوة إلى الله عز وجل ولكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه ودعوته ولكن عليه أن يصبر ما دام أنه على حق فإنه يصبر ويتحمل فهو في سبيل الله وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته أجر من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que on voit que le fait d'être patient et d'endurer les épreuves et les difficultés de la da'wa, ça fait partie des exemples des messagers. Et le meilleur d'entre eux, et le dernier d'entre eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dû endurer de la part des hommes? Qu'est-ce qu'il a dû endurer de la part des gens? Combien de difficultés et d'offenses qui lui ont été faites en parole et en action? Ils l'ont traité de magicien, de sorcier, de menteur, de fou. Et toutes ces autres paroles qui sont mentionnées dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, dans le Coran. Comme ils lui ont fait des problèmes et des difficultés, ils lui ont lancé des pierres jusqu'à lui faire saigner les pieds. Lorsqu'il est allé à Taif, les gens l'ont chassé avec les pierres lorsqu'il les a invités à Allah. Et une fois, il était en train de faire la prière devant la Kaaba. Yani, ils sont venus pendant qu'il était en train de faire la salat, et puis ils lui ont mis sur le dos, pendant qu'il était dans le sujoud, pendant qu'il priait, ils lui ont mis les restes de placenta de chameau sur le dos, alors qu'il priait devant la Kaaba. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce que les mushrikoun ont fait, yani, par exemple. Et ils l'ont menacé de le tuer. Ils l'ont menacé de l'assassiner même. Et là, lors de la bataille de Uhud, durant cette bataille, lui ainsi que ses compagnons, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, durant cette bataille, on lui a cassé ses dents, deux de ses dents qui ont été cassées. Et on l'a également, il y a son casque qui est rentré dans sa tête, qui l'a blessé également. Et en plus, il est tombé dans un trou. Durant cette bataille, il a eu beaucoup d'épreuves. Et alors que, si on regarde ça, on voit que lui, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a eu toutes ces difficultés-là dans la da'wah, lorsqu'il a appelé les hommes à Allah. Mais, malgré tout ça, il a fait preuve d'endurance. Il a fait preuve de patience. Et c'est le meilleur d'entre les créatures, le meilleur des hommes. Et il a eu toutes ces épreuves lorsqu'il a appelé les hommes à Allah. Donc chacun, lorsque quelqu'un décide de faire la da'wa à Allah et d'appeler à Allah, c'est certain qu'il aura des difficultés et des offenses. Il aura à faire face à beaucoup d'épreuves de la part des gens. Et même parfois de la part des musulmans ou de la part des hypocrites. hein, ou des musulmans qui ont une foi faible, ou de la part des gens de bid'a, hein. Donc, il y aura toujours des difficultés et des épreuves lorsque tu appelles les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Mais, il faut faire preuve de patience. Hein. Chacun est mis à l'épreuve selon sa foi. Chacun est mis à l'épreuve selon sa da'wa également. Et donc, si quelqu'un donc appelle à Allah, c'est certain, il va être mis à l'épreuve. C'est certain que c'est pas toujours le même degré d'épreuve. Pour certains, ils ont des petites épreuves, et d'autres, ils ont des épreuves plus grandes, comme les prophètes. Hein? Chacun selon son niveau, selon sa foi, hein? Ainsi de suite. Donc, le cheikh il dit, du moment que tu es sur la vérité, alors fais preuve de patience et d'endurance. Parce que ça, c'est le chemin d'Allah, c'est la voie d'Allah. Hein? Et donc, tout ce que tu as à endurer comme offense et difficulté, tu vas le retrouver au jour de la résurrection dans la balance de tes hasanat. Hein? Dans le côté de tes hasanat, ce sera une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut pas se plaindre de ces difficultés-là. Et il faut pas se décourager lorsque on a ce genre d'épreuve, de dire ah, les gens me donnent des problèmes, j'ai beaucoup de difficultés, personne veut me laisser en paix, hein. Yani, c'est ça la sunna d'Allah, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras, il faut pas faire preuve de découragement. Au contraire, il faut s'encourager dans le bien et faire preuve de force et de patience. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants. Hein. Ensuite, le cheikh il explique la preuve de ces quatre points-là. C'est le verset dans Surat al-Asr, les versets de Surat al-Asr, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Donc le cheikh, ça c'est le point numéro 11 parmi les commentaires du cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset. Il dit, هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ؟ إن هذه المسائل الأربع يجب علينا تعلمها، وهو عندنا وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بدليل، فأين الدليل؟ قال الدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا هذه المسألة الأولى الإيمان، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Donc le cheikh explique que ces quatre points, c'est obligatoire de les connaître en détail. Hein? Et est-ce qu'il y a une preuve? Hein? Est-ce qu'il y a une preuve de ce que le cheikh dit ici par rapport à ces quatre points-là? Le cheikh il nous a promis que il n'allait rien mentionner sans mentionner la preuve qui vient avec. Alors, ces quatre points qui sont obligatoires pour nous de les apprendre, quelle est leur preuve? C'est quoi la preuve de ces quatre points? C'est les versets de 1 à 3 dans Surat al-Asr. Donc, il dit la preuve, c'est « Bismillahirrahmanirrahim »« Wal-Asr, inna l'insana lafi khusr » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont mutuellement encouragés dans la vérité et qui se sont mutuellement encouragés dans l'endurance et dans la patience. Donc, si on veut savoir comment comprendre ce verset-là et comment extraire de ces versets-là ces quatre règles, eh bien, on retourne hein, à l'explication. Le cheikh, il dit, le premier point, « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » ça, c'est la première question. Ceux qui ont cru, hein, « Illa alladhina amanu » ça, c'est le premier point. Parce que ceux qui ont cru, ça implique que, premièrement, tu as la connaissance. Hein. Donc, le premier point, c'est « al-ilm », c'est-à-dire de connaître. d'avoir la science de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Parce que tu peux pas croire en Allah sans connaître. Qu'est-ce que c'est la foi? Et en quoi consiste la foi également? Et donc la foi c'est quoi? La foi elle peut pas être connue sans avoir la science. Et donc c'est de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Donc la foi c'est de connaître ces choses-là et bien entendu de les appliquer. Et c'est ça le deuxième point, wa amilu salihat, et qui ont fait les bonnes œuvres. Hein? Donc ça c'est le deuxième point parmi les quatre points, de faire les bonnes œuvres. Donc d'avoir la foi et de faire les bonnes œuvres, ça implique la science et les bonnes œuvres. Et ça, bien entendu, c'est d'appliquer les bonnes œuvres, et ça nécessite également de la science. Donc ça prouve aussi le point numéro un aussi. Hein, quand on dit « wa amilu salihat », ça implique que tu dois avoir la science aussi, puisque tes actions ne vont pas être « saliha », hein, excepté si elles sont faites avec connaissance. Puisque Allah ne va pas les accepter si elles sont faites contrairement à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, « wa tawasaw bil haqq », hein, ça c'est que les gens s'encouragent mutuellement dans la vérité. Et ça, ça implique quoi? Ça implique de faire la da'wa à Allah et d'inviter les hommes à Allah. Hein? Parce que quand tu invites les hommes à Allah, c'est comme si tu es en train d'encourager les gens à s'accrocher à cette science et à cette vérité et à l'application de cette vérité. Donc c'est d'appliquer, d'inviter les hommes à cette science et à l'application de cette science. Donc, « wa tawasaw bil haqq ». Hein, ils se sont encouragés mutuellement dans la vérité. Et le quatrième point, wa tawasaw bis sabr. Et ils se sont encouragés mutuellement, ils se sont enjoints mutuellement la patience et l'endurance en face des difficultés et des offenses dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc lorsqu'ils ont invité les hommes à cette science et à cette application, donc ils ont à faire preuve de patience devant les offenses et les difficultés. Donc ça c'est les quatre points si on veut savoir à quoi ils se réfèrent par rapport à ce verset ou à ces versets. Et le cheikh il dit ensuite en expliquant le sourate al-Asr, il dit wal asr al-waw waw al-qasam. Wal asr ismun muqsamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra. والمراد به الوقت والزمان أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق والمخلوق لا يقسم إلا بالله والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى فهذا الزمان فيه عبرة وله أهمية ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يغشى وأقسم بالضحى. Donc le cheikh explique que dans surat al-Asr au début Allah dit wal-Asr. Wal-Asr ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah il jure par al-Asr, par le temps. Ok, donc en arabe quand tu veux jurer, hein, tu peux dire tu peux jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en disant Wallahi. Hein? Wallahi, ça veut dire quoi? Ça veut dire je jure par Allah. Hein? Wallah. Ou bien Billahi. Hein? Ou bien Uqsimu Billah. Tu peux dire Billahi. Hein? Donc, ça, c'est une autre manière comment quelqu'un fait un serment ou quand il jure. Al-Asr, c'est le temps. C'est une époque ou un temps. Salat al-Asr, ça veut dire une partie de temps, une partie de la journée qu'on appelle Asr, c'est l'après-midi. Hein? Le temps qui commence à partir du moment où ton ombre, lorsque tu regardes, Donc, le dhuhr, ça rentre lorsque ton ombre, elle commence à apparaître parce que le soleil est juste en au-dessus de ta tête, donc il commence à dépasser le zénith. Oui, bien entendu, il y a peut-être des petites différences, mais bon, disons que ton ombre il va être le plus petit au moment où c'est le zohor. Puis ensuite, il va commencer à s'allonger jusqu'à ce qu'il devienne une longueur égale à toi. Au moment où il est de longueur égale à toi, ça c'est l'asr qui commence. Donc le temps de l'asr commence à partir de, du moment où ton ombre est la même longueur que toi, la même longueur que ta hauteur. Puis après, jusqu'au maghrib. Donc ça c'est l'asr, une des significations du terme asr. Mais sinon, l'asr c'est aussi le temps, hein, où, yani, où c'est ça, une période ou un temps. Et Allah, il jure par l'asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit de jurer par ce qu'il veut de ses créatures. Hein? Et il jure par les créatures qui ont une importance, hein? Par ses signes et par ses grandes créatures. Parce qu'il y a une leçon dedans, parce qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Donc ici on voit qu'il jure par le temps, et dans d'autres versets, il jure par la nuit, lorsqu'elle commence à recouvrir hein, la terre, ou bien par al-duha, c'est-à-dire l'après-midi, le matin. Hein. Al-duha, c'est la période après le lever du soleil. Donc, ça c'est cette période, la matinée, al-duha. Donc, en ce qui concerne les hommes, ils n'ont pas le droit de jurer par autre chose que par Allah. Allah peut jurer par qu'est-ce qu'il veut de ses créatures. Écrivez ce point-là, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures. D'accord? Mais la créature, elle, les hommes, ils ne peuvent que jurer par Allah seul. Hein? Ils n'ont pas le droit de jurer par autre que par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jure par qu'est-ce qu'il veut, mais les créatures, elles ne peuvent jurer que par Allah. Le cheikh, il explique ce point-là, il dit « Amma al-makhlouq, fa'innahu la yuqsimu illa billah, wa la yajuzu lana an nahlifa bi ghayrillah. » Qala sallallahu alayhi wa sallam, « Man halafa bi ghayrillah, faqad kafara aw ashrak. » Wa qal, « Man kana halifan, falyahlif billah, aw liyasmut. » Donc, il mentionne que on n'a pas le droit de jurer par autre que Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, selon Ibn Omar, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui jure par autre que Allah, il a fait un kufr ou un shirk. Il a fait le kufr ou un shirk. Il a commis un acte de kufr ou un acte de shirk, c'est ça que ça veut dire. Et il mentionne dans un autre hadith, il dit celui qui jure, alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar. Si tu dis, je te jure, en principe ça sous-entend que tu jures par Allah. Hein, mais souvent les gens, quand ils jurent comme par exemple, ils vont dire « je te jure ». Et souvent quand ils disent ça, c'est pas vraiment un serment qui est sérieux. Ils disent ça des fois par habitude, comme des fois les gens quand ils parlent, ils disent par exemple « Wallahi, Wallahi ». Ils disent ça comme ça, comme une habitude. Et dans ce cas-là, c'est pas sérieux. Hein? Mais c'est... Et de jurer par la tête de sa mère, ou par la Kaaba, ou par une créature, parmi les créatures, ça rentre dans le shirk. Bien entendu, c'est un shirk asrar, c'est un shirk mineur. Ça ne fait pas sortir de l'islam, sauf que ça fait partie des paroles qui rentrent dans le shirk asrar, et c'est dangereux. Yani. C'est quelque chose qui peut amener parfois à tomber dans le shirk majeur. Al-shirk al-asrar, asrar ça veut dire le plus petit, par opposition au shirk akbar. Akbar ça veut dire qui est plus grand, hein? Et asrar ça veut dire qui est plus petit, hein? Donc ça c'est un shirk qui est asrar, c'est à dire qui est plus petit, qui ne fait pas sortir de l'islam, qui est plus grand que les grands péchés, mais qui est plus petit que le shirk qui fait sortir de l'islam dans ce sens-là. Donc, le hadith qui dit, celui qui jure alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar, comme je disais. Après il dit, فَاللَّهُ يُقْسِمُ بِمَا يَشَاء وَلَا يُقْسِمُ إِلَّا بِمَا لَهُ أَهَمِّيَّةٌ وَفِيهِ عِبْرَةٌ وَمَا هِيَ الْعِبْرَةُ فِي هَذَا الزَّمَانِ العبرة أو العبر عظيمة تعاقب الليل العبر عظيمة تعاقب الليل والنهار وتقارضهما هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا ويطول هذا ويقصر هذا تعاقبهما هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث والكوارث ومن المصائب ومن النعم ومن الخيرات وما يجري في هذا الوقت هذا من العبر. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il jure par ce qu'il veut et il ne jure que par quelque chose qui est important ou dans lequel il y a une leçon ou une yani quelque chose qui nous fait réfléchir. Et qu'est-ce qu'il y a dans le temps qui peut nous faire servir de leçon? Il y a des grandes leçons dans le temps, comme par exemple la succession des jours et des nuits, le jour et la nuit qui se suivent et qui se succèdent, hein. Donc ça fait partie des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que le jour prend de la nuit et la nuit prend du jour. On voit que des fois les jours se prolongent et des fois les jours se raccourcissent comme en été et en hiver. Et donc tout ça c'est quelque chose qui montre une organisation incroyable, yani grande et merveilleuse, hein, qui ne change jamais et qui se suit tout le temps. Donc ça c'est un des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montre la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Puis ensuite, il y a également le fait que durant le temps, il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans le monde, soit des accidents, ou des malheurs, ou des événements, ou des difficultés, ou même des grâces et des bienfaits, ou des bonnes choses. Toutes ces choses-là se produisent dans le temps. Toutes ces choses-là se produisent dans le temps. Donc si on vous demande pourquoi Allah il jure par le temps, eh bien on peut mentionner ça comme des exemples. Okay? Et ensuite il dit وَكَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَجَالٌ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً أَيْ يَتَعَاقَبَانَ يَخْلُفُ هَذَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وفي بعض الروايات أو في بعض القراءات لمن أراد أن يذكر. Donc il dit فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل ومجال العمل هو الليل والنهار وما عندك غير الليل والنهار فما مجال العمل والكسب والكسب الطيب للدنيا والآخرة في الليل والنهار عبر وفوائد لا لذلك أقسم الله بالعصر. Donc le cheikh explique, il dit que de même que la nuit et le jour, ce sont des temps dans lesquels on peut profiter, disons, pour faire des bonnes œuvres dans le temps que Allah nous donne dans la création dans la succession des jours et des nuits. Et il mentionne le verset 62 dans Sourate Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est lui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est lui qui a fait de la nuit et du jour une succession qui se suivent et qui se complètent les uns après les autres. Donc le jour vient après la nuit et la nuit vient après le jour. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا, pour celui qui souhaite se souvenir ou qui souhaite faire preuve de reconnaissance. C'est la sourate 62. le verset 62 dans Sourate Al-Furqan. Dans certaines récitations, on dit l'iman arada an yadhakkara. Ça, c'est la majorité des récitateurs, ils ont récité de cette manière. Puis dans, selon la récitation de Hamza, hein, il dit yadhkura. Il dit pas avec le tajdid yadhakkara, il dit yadhkura. L'iman arada an yadhkura. Donc les deux, c'est dans la même signification. Et le cheikh dit ensuite فَالْلَيْلُ وَالنَّهَارُ كَسْبٌ عَظِيمٌ. Donc le jour et la nuit, c'est une opportunité qui est immense pour les hommes pour acquérir des bonnes œuvres et pour faire qu'est-ce qui est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un moment pour en profiter aussi pour faire des actes qui inshallah pourront nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir du bien dans la dunya et dans l'akhira, dans l'adoration et également dans dans le travail aussi. Ok, donc tu vas faire l'adhan? Ok, vas-y. Donc pour faire du travail aussi. Donc ça fait partie des bienfaits pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il joue par le temps. نعم. Donc le cheikh il dit ensuite ما هو جواب القسم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps. C'est quoi la suite de ce serment là? Hein? Qu'est-ce qu'il jure de quoi? Allah il jure par le temps, mais il jure de quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il jure que l'homme est en perte. Que l'homme est en perte. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit ma huwa jawab al qasam huwa qawluhu inna l'insana la fi khusr. الإنسان جميع بني آدم لم يستثني أحدا إلا لم يستثني أحدا لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث فأل في الإنسان للاستغراق كل بني آدم في خسر أي في خسارة وهلاك إذا ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصية الله وفيما يضرهم. Donc le cheikh il explique que Allah il dit dans ce verset là que l'homme il est en perte. Et en arabe on dit al-insan, hein, l'homme. Et quand on dit al devant un mot, hein, en arabe ou même en français on l'utilise avec un article qui vient le définir, hein. Ça veut dire l'homme en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est-à-dire ça englobe toutes les catégories d'hommes. Dans le sens que peu importe qu'est-ce que cet homme-là fait, quel rôle ou quelle position il a. Que ce soit hein, des rois, des chefs, des gens riches ou des gens pauvres, tout le monde est inclus dans cette catégorie-là, dans cette description-là d'être en perte. Donc que tu sois riche, pauvre, roi, esclaves, hommes ou femmes, toute la race humaine est inclue là-dedans. Donc ça englobe tout, tous les fils d'Adam. Ils sont tous en perdition, excepté ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a exclus par la suite. Donc ils sont tous en perdition s'ils ne profitent pas de ce temps que Allah leur a donné, qui est un temps précieux. Et s'ils n'utilisent pas ce temps-là, dans qu'est-ce qui est bon pour eux, au lieu de l'utiliser dans qu'est-ce qui est bon, ils l'utilisent dans le péché, dans la désobéissance. Alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'ils sont dans la perdition. وهذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس يطول عليهم الوقت ويملون ويقولون نريد قتل الوقت يأتون بالملهيات أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة والوقت أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه. Le Cheikh, il dit qu'il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, ils ne profitent pas. Ils pensent que le temps, c'est quelque chose qui a peu de valeur. Et donc, ils trouvent que le temps est long et ennuyant. Et ils disent, on veut tuer le temps. Et donc, ils font toutes sortes de choses pour se distraire. Il dit le Cheikh, comme ils vont à l'extérieur, en voulant dire, ceux qui vivent en Arabie Saoudite, des fois, ils font des vacances dans les pays non musulmans. Et puis, ils vont... Yani, disons, faire des choses parfois qui ne sont pas bénéfiques pour eux, ou bien ils y passent leur temps à faire des blagues et à rire pour tuer le temps. Ils disent cela, ça va être une source de remords et de tristesse pour eux au jour de la résurrection, alors que s'ils avaient préservé leur temps et pour faire utiliser le temps pour faire des choses qui sont bénéfiques, eh bien ça aurait été la source de Yani, leur bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Donc on va s'arrêter ici inchallah pour aujourd'hui, on va faire la prière de Maghrib et puis on continuera la semaine prochaine inchallah. Ah non, la semaine prochaine je ne serai pas ici à Montréal, je m'en vais en France pour la fin de semaine prochaine, mais inchallah la semaine d'après, hein. Donc on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, Inch'Allah. Non, samedi, dimanche prochain, il n'y aura pas de cours. C'est seulement la semaine d'après. Cours numéro 5, Inch'Allah, la semaine d'après. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.